Ils veulent marcher sur nos rêves. Pourtant c'est tout ce qui nous reste. C'est la rage de Tess que je manifeste. Pour tous les oubliés du bled. Ils veulent marcher sur nos rêves. Pourtant c'est tout ce qui nous reste. C'est la rage de Tess que je manifeste. Pour tous les oubliés du bled. J'ai fait ce rêve comme Martin Luther King. Pour moi la misère du monde n'avait pas de géographie. Au-delà des frontières, les rêves ne sont plus gratuits. Tu peux lire l'aigreur dans les yeux d'autrui. Détruit de l'intérieur, carapace fissurée, Arafat dans nos cœurs, point d'islam modéré. Y'a qu'un Airbus qui sépare le Bin Sekin du compète. Et toi qui t'es New Bell pour la mettre dans les filets. Ils veulent nous enlever l'espoir d'un jour devenir ballon d'or. Sur le banc de la tête, on est tous derrière les bleus dans le sport. Ils veulent marcher sur nos rêves, ils veulent marcher sur nos pas. Mais quand l'amour s'essouffle, c'est la haine qui la rattrape. Chacun à sa manière est une bombe à retardement. Demande aux rescapés du gros calibre sur une chaise roulante. La rue peut t'abattre comme un bac et te laisser un grand vide. Vague à l'âme où c'est une meurtre sur un terrain vague. Ils veulent marcher sur nos rêves. Ils veulent marcher sur nos rêves. Même au-delà des frontières. Ils veulent marcher sur nos rêves. J'ai fait ce rêve comme Martin Luther King. C'est dans une cale de bateau qu'il traversa l'Atlantique. Assez risque et péril arrive sur le port du Havre. C'est une personne de l'équipage qui l'aida, qui part et s'arrête au premier call box du centre-ville pour prévenir la famille. Direction la gare pour monter sur Paris. Au cœur de la banlieue, te voilà dans la Zermi. La famille africaine est trop grande pour trouver nulle part où dormir. Ton cousin de ce franc te conseille de rester discret. Un contrôle d'identité peut te coûter le char. T'appelles tes potes du bled pour leur dire que c'est pire ici. Sur Aubert 4 chemins, les frères noirs grillent le maïs. Ils marchent sur nos rêves, encore pire que tu le croyais. Rien qui parle de papier, de frontières, de loi ADN. Tu commences à peine à trouver des marques. Ils viennent marcher sur tes rêves pour un retour à la case départ. Ils veulent marcher sur nos rêves. Ils veulent marcher sur nos rêves. Même au-delà des frontières. Ils veulent marcher sur nos rêves. Ils veulent marcher sur nos rêves. Pourtant c'est tout ce qui nous reste. C'est la rage de Tess que je manifeste. Pour tous les oubliés du bled. Ils veulent marcher sur nos rêves. Pourtant c'est tout ce qui nous reste. C'est la rage de Tess que je manifeste. Pour tous les oubliés du bled. Ils veulent marcher sur nos rêves. Ils veulent marcher sur nos rêves. Même au-delà des frontières. Ils veulent marcher sur nos rêves.